di piyes mouman Pa te fatigan ba mwen Se li mwen te ka sonje Mwen sav sa ki ka pase Tout kon mwen ka prelive Mwen ka tombe amoureux Oh, mwen li vi transforme Tout l'ennui ki te mwen Petete ke sonje mwen Mwen pa dormi yes maman Pa te fatigan pou mwen Se li mwen te ka sonje En même chanson.